There's a natural mystic flow. If you listen carefully now, you will hear such a natural mystic. Do it! All you mean! Flowing through the ear. Such a natural mystic. The Biden Fire. Il y a l'homme, la terre, les bêtes, le ciel et le natural à 100% ta vie, Lord. Ne laisse personne contrôler ton esprit. Un homme est juste un homme et ne peut être plus fort qu'autrui. Quan, écoute mon style et check ma philosophie. Je prends l'énergie aux vibrations positives. Je prends Dieu mais fréquente pas leurs églises. Pas d'intermédiaire entre l'homme et les forces naturelles. Sous mes pieds la terre et au-dessus de ma tête le ciel. Le natural mist, il s'empare de mon cerveau. Connecte ton esprit sur le flot de mes mots. Un bon DJ, un micro et une wicked sono. Lord. Les bêtes, le ciel et le natural mystique. Natural.